Heute werden wir über das sprechen, was er Tatsache nennt. Aujourd'hui, on va parler de ce que lui il appelle les facts. Amen. Amen. Les réalités. Amen. Amen. And before then, I will quickly go through some few things, then we go there. Amen. Amen. Und vorher werde ich durch ein paar Sachen gehen und dann werden wir damit anfangen. Amen. Amen. Take the Holy Ghost to know the truth. Es braucht den Heiligen Geist, um die Wahrheit zu kennen. On a besoin du Saint-Esprit pour connaître la vérité. Takes the Holy Spirit to know the difference between the Old Testament and the New Testament. Es braucht den Heiligen Geist, um den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament zu kennen. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Amen. To know the difference between the Old Covenant and the New Covenant. Zwischen dem alten Bündnis und dem neuen Bündnis. On doit comprendre la. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la différence entre l'Ancien et le Nouveau. Alliance. To know the difference, it takes the Holy Spirit to know the difference between the old commandment and the new commandment. Es braucht den Heiligen Geist, um den Unterschied zwischen dem alten Gebot und dem neuen Gebot zu kennen. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la différence entre l'ancien et le nouveau commandement. You know, if you go to 1 John, you will see what Jesus called his commandment, which is the new commandment. Is different from the commandment of Moses. Then at last he followed that of Moses. We are no longer under the old that of Moses, but of Christ. Denn das Gebot von Jesus ist anders als das Gebot von Mose. Le commandement de Jésus c'est différent que le commandement de Moïse. 1. Johannes 3. From verse 22. 1 Jean 3, 22. Amen. From verse 22. He said, and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments. He's not talking about the commandment of Moses. Er spricht nicht über das Gebot von Mose. Ici, il ne parle pas du commandement de Moïse. Amen. Mm. Thou shalt not lie, thou shalt not steal, thou shalt not this, thou shalt not, thou shalt not. Amen. Mm. That is not what the Bible is talking about when it comes to Christ. Es geht nicht um diese ganzen Gebote, Verbote, wenn es um Jesus Christus geht. Quand il s'agit de Jésus, was er damit meint. Quand il s'agit de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ parlait ici de commandement, il parlait pas de commandement de Moïse que tu ne dois pas tuer, tu dois pas mentir. Il parle d'autres de son propre commandement. He said, and whatsoever we are, we receive of him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Mm. And then he now helps us to understand his commandment. And this is his commandment, that we should believe on the name of his son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. Amen. You see, his commandment is different from the commandment a lot are still following today. Sein Gebot ist anders als das Gebot, was die Leute im alten Bündnis kannten. On voit ici, quand on a lu 22 et 23, on voit ici que dans son commandement, il s'agit d'un autre commandement. Il ne s'agit pas de la commandement de Moïse, mais son commandement ici de croire au nom de Jésus-Christ, son fils. On voit ça, on lit ça dans le verset 23. To know, to understand Christ's commandment, take the power of the Holy Spirit. And to believe it. To accept it, to believe it, it takes the power of the Holy Ghost. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um das Bündnis von Jesus Christus zu kennen. On a besoin zu akzeptieren und zu glauben. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour croire, pour accepter, pour marcher selon comprendre le commandement de Jésus-Christ. On a besoin du Saint-Esprit pour ça. He just explained to us what his commandment is to believe on him. Er uns erklärt, was sein Gebot ist, nämlich ihm zu glauben. Ici, il nous fait voir son commandement, et ce commandement, il s'agit de croire en lui, croire en Jésus-Christ. And verse 24, he said, and he that keepeth his commandment dwelleth in him. You see how we dwell in him and he in us. It's by believing him. In uns, indem wir ihm glauben. Everything in the kingdom works by believing Christ. Alles im Königreich arbeitet nach basiert darauf, dass wir Jesus Christus glauben. On voit ici en verset 24 comment que celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu. Donc c'est comme ça qu'on demeure en lui et lui demeure en nous. Parce qu'on doit comprendre que dans notre royaume des cieux, dans le royaume de Jésus-Christ où on appartient, tout marche à travers la foi qu'on croit en lui. Amen. Amen. He said, He that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. He gave us his own Spirit. Er gab uns seinen eigenen Geist. Il nous a donné son propre esprit. We have the Spirit of Christ. Wir haben den Geist von Christus. On a l'esprit de Jésus-Christ. It also takes the Holy Spirit to know and understand the difference between the old fasting and the new fasting. Es braucht auch den Heiligen Geist, den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Fasten zu kennen. On a aussi besoin de la puissance du Saint-Esprit pour comprendre la différence entre l'ancien et le nouveau jeûne de prière. The old prayer and the new prayer. Das alte Gebet und das neue Gebet. They are like day and night. Sind wie Tag und Nacht. Le nouveau prière, la nouvelle prière et l'ancienne prière. We don't have time to go through them. You know, the old prayer. You see that Elisha prayed to God so that to open the servant's eye. But Jesus said the mountain. He said, "You speak to the mountain. You don't tell God to do something." The old prayer, you tell God, because no one has the power and the authority to command things. But now, Jesus, all power and authority has been given unto me. And if you now live inside you, you have that power and authority to speak to things. And not telling God to do something. Genau. Wir müssen daran glauben, dass wir die Autorität bekommen haben, um Dinge zu kommandieren, um Dinge zu bewegen, aber nicht, nicht mehr passiv sind wie vorher, wo nur Gott diese Autorität und Kraft hatte, Dinge zu tun und wir ihn darum bitten mussten, die Dinge umzusetzen. Jetzt hat er uns diese Autorität gegeben, damit wir es in seinem Namen tun. Quand il s'agit par exemple de la prière, par exemple, on voit dans l'ancienne alliance, on voyait par exemple comme Élisée, il a prié que Dieu puisse ouvrir les yeux de son servant pour qu'il puisse voir, qu'il soit capable à voir. Mais on voit ici dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il dit que c'est nous qui doit, c'est nous on doit parler aux montagnes, c'est nous qui est en train de commander les histoires parce que on a maintenant la puissance. Il nous a donné la puissance, le pouvoir pour agir ici sur terre. Donc c'est pas comme dans l'ancien où on devrait demander à Dieu et que Dieu puisse faire. Maintenant, à travers Jésus-Christ, il nous a donné la puissance d'agir ici, nous-mêmes sur terre. Praise the Lord. Amen. And he also told the Holy Spirit to know the difference between the old prophecy and the new prophecy. Es braucht auch den Heiligen Geist, den Unterschied zwischen der alten Prophezeiung und der neuen Prophezeiung zu kennen. On a aussi besoin du Saint-Esprit pour comprendre la différence entre l'ancien et le nouveau, les nouvelles prophéties. Then the old dreams and the new dreams. Der alte Traum, der neue Traum. L'ancien rêve et le nouveau rêve. And the old testimony and the new testimony. Das alte Zeugnis und das neue Zeugnis. L'ancien témoignage et le nouveau témoignage. You know, people everywhere today, you know, on Saturday, they were about the old testimony. Amen. We are about, you know, it's everything is of the spirit. It's no longer of the flesh. Alles ist jetzt vom Geist, nicht mehr vom Fleisch. Die Zeit des Heiligen Geistes. Et maintenant, on a besoin de. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit. On n'est pas dans la période comme avant sans le Saint-Esprit. You remember, you know, I don't know. I hope you know what happened on Saturday. The conference they went to. The conference they went to. You know, the conference I heard that they normally do, I don't know, once in a year or something that concerning. The testimony, you know, this our testimony, the old and the new testimonies, they are so different. Es gab am Samstag eine Veranstaltung, wo viele Kinder Gottes zusammengekommen sind, um ihre Zeugnisse zu geben. Aber was wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem alten Zeugnis und dem neuen Zeugnis. On a vu, par exemple, il y avait eu une conférence. Hier, samedi où il s'agissait de donner des témoignages. Et là, on voit que c'était de l'ancien témoignage. Maintenant, nous, ici, on vit dans le nouveau témoignage. On doit aussi comprendre la différence. And we will see if we can go through that of the testimony today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. We are going to go into facts. Wir werden heute über Tatsachen sprechen. Aujourd'hui on va parler des réalités. Christ Jesus have his own facts. Christus Jesus hat seine eigenen Tatsachen. Jésus-Christ, lui, il a ses propres réalités. And the natural world have their facts. Und die natürliche Welt hat ihre Tatsachen. Et le monde naturel a aussi ses propres réalités. Christ's facts are their heavenly facts. Die Tatsachen von Christus sind himmlische Tatsachen. Les faits, les réalités, les faits de Jésus-Christ, ce sont des faits surnaturels. Aber sie sind beständig. Mais ils sont permanents. Amen. That of the natural world, they are temporary. Die Tatsachen dieser Welt sind zeitlich. Les faits de ce monde, et, c'est vraiment très court. You know, Christ's facts, they are like his principles. Die Tatsachen von Christus sind seine Prinzipien. Les faits de Jésus-Christ, ce sont ses principes. They never change. Sie verändern sich nicht. Ils ne changent jamais. Amen. Amen. Except you allow it to change. Sauf si toi-même tu autorises que ça, tu permets que ça puisse changer. Amen. Mm. If you look at example of Elisha and the Syrian army. Wenn du das Beispiel zwischen Elijah und der syrischen Armee anschaust. Si tu regardes l'exemple de Elie et l'armée syrienne. There was earthly facts. Es gab irdische Tatsachen. Il y avait un Let's fait naturel. On va le lire pour comprendre mieux ces deux Praise rois. The Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Second King 6. Deux rois 6. Look at verse 16. This is heavenly facts. Das sind himmlische Tatsachen. Vers 16. Ce sont des faits surnaturels. It is real. Es ist wahrhaftig. C'est réel. It is a reality. Das ist eine Tatsache. C'est une réalité. Are you getting it? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Mm. Is somebody getting something? Ici, yeah. Amen. Amen. Then look at verse 14 and 15. 14 und 15. So that you can see 14. The natural 14. Facts. Damit wir die natürlichen Tatsachen sehen können. Ici, on a vu que Élisée a dit que n'aie pas peur car ceux qui sont avec nous sont nombreux. Et maintenant, on va voir, on va lire versets 14 et 15 pour comprendre le fait naturel. Amen. Amen. Faith is a fact. Glauben ist eine Tatsache. La foi, c'est un it fait. It is real. C'est réel. C'est réel. You don't say it so that it will be so. You say it because it is so. Man sagt es nicht, damit es so ist, sondern man sagt es, weil es so ist. Tu ne parles pas pour que ça puisse s'accomplir, tu parles parce que c'est déjà accompli. You can only see it with your spiritual eyes. With your physical eye, you cannot see, just like Elisha here. Du kannst es nur mit deinen geistlichen Augen sehen, nicht mit deinen physischen. Tu peux seulement le voir, le fait de l'Éternel, tu peux seulement le voir avec tes yeux surnaturels, pas avec tes yeux naturels. From verse 14 and 15, because of time, he said, therefore sent he Peter, horses, and chariots, and a great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early on and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots, and his servants. Said unto him, Alas, my master, how shall we do? You can see the natural fact. Is it the intuition to tap back? Everybody can see it with your own, with your naked eyes. Kann jeder sehen mit seinen Augen. En fait, le fait naturel, tout le monde est capable de le voir avec ses yeux naturels. Amen. But the spiritual facts. Aber die geistlichen Tatsachen. Mais le fait surnaturel, which is heavenly facts. Das die, was die himmlischen Tatsachen sind. Ce sont des faits du royaume des cieux. Only those in faith can see it. Nur die Leute, die im Glauben sind, können das sehen. Seulement ceux qui est en train de vivre dans la foi sont capables de le voir. Du kannst es nur durch Christus sehen. Tu peux que le voir à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. You remind yourself who you are in Christ. Du erinnerst dich daran, wer du bist in Christus. Tu te rappelles toi-même qui tu es de ton identité en Jésus-Christ. You know, Wednesday was it last week Wednesday or Sunday? You know, we read that of Joseph. Letzte Woche haben wir über Joseph gelesen. Dimanche, on a parlé de l'exemple de Joseph. You know, in Genesis 38, 13, Joseph was a slave. It was a fact. In 1. Mose lesen wir, dass Joseph ein Sklave war. Und das war eine Tatsache, eine natürliche Tatsache. Par exemple, on voit dans Joseph, dans la vie de Joseph, à Moïse 39, Genèse 39, on voit qu'il était un esclave. Ça, c'était un fait naturel. You know, Moses, you know, Joseph was more free than the people, than his own master. Aber Josef war freier als sein Meister. That is also a fact. Mm. I don't know if you know. Mais on sait, on voit, on le voit. Joseph was a free man because of the Lord. Amen. Mais on voit aussi dans le même verset biblique que Joseph était plus il avait plus de liberté à cause de l'Éternel, parce que il est écrit que il était libre parce que il était toujours avec Dieu, et c'est aussi un fait. Mais c'est le fait surnaturel. That he was free, he was a free man. It was a reality. Dass er ein freier Mensch war, das war eine Tatsache. Le fait qu'il soit une personne qui puisse avoir sa liberté, c'était un fait. And also Joseph was poor. Und Joseph war arm. Et Joseph était pauvre. Amen. Amen. He was poor. Er war arm. Il était pauvre. It was a natural fact. Das war auch eine natürliche Tatsache. Et sa pauvreté était un fait naturel. You know, he was sold. He was a slave being sold to Potiphar. Der verkauft worden ist. Il a été un esclave qui a été vendu par chez Potiphar. Er besaß nichts. Et il avait rien. And it was real that he was poor. Und es war auch eine Tatsache, dass er arm war. Et c'était réel, c'était un fait qu'il n'avait rien. And everyone can see it with his or her physical eyes. Jeder konnte das mit seinen physischen Augen sehen. Et tout le monde était capable de voir ça avec ses yeux physiques. But yeah, you know, that was a fact. The natural fact for Joseph. But there is another fact for Joseph. That he was a prosperous man. Das waren die natürlichen Tatsachen. Aber es gab noch andere Tatsachen, die etwas anderes ausgesagt haben, nämlich dass er ein wohlhabender Mensch ist. Et puis ça c'est qu'on en vient de dire de c'était de les faits des réalités naturelles concernant Joseph, mais il y avait aussi autre réalité spirituelle concernant Joseph, qui était une personne très prospère, que Dieu disait qu'il avait beaucoup. Genesis 39. 1. Mose. The Bible called Joseph a prosperous 39. 1. Mose 39. Die Bibel nennt Josef hier einen wohlhabenden Menschen. Genèse 39 nous dit que Joseph était un homme de la foi. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 2. He said, and the Lord was with Joseph. You see? Und der Herr war mit Josef. The reason why he was a prosperous man. Der Grund, weshalb er ein wohlhabender Mensch war, weil der Herr bei ihm ist. Amen. Ici on dit que l'Éternel fut avec Joseph. Et là tu vois la raison laquelle Joseph a été un homme de la foi ou a été prospère, c'était parce que l'Éternel était avec lui. He said, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he was a prosperous man. It was a heavenly fact. Das war eine himmlische Tatsache, dass er ein wohlhabender Mensch war. It was real. Der Herr bei ihm ist. Das war Wirklichkeit. La prospérité de Joseph, ça nous fait voir que c'était parce que l'Éternel était avec lui, et c'était une réalité. C'est écrit ici. Das war die Wahrheit. The other was a lie. Ein wohlhabender Mensch war. Das andere war eine Lüge. On voit ici que la réalité de l'Éternel était que c'est lui, cet homme, il était que Joseph était un homme de la foi, qu'il était prospère, qu'il avait beaucoup, mais sa pauvreté, selon le monde, c'était le fait de ce monde, était devant Dieu, c'était un mensonge. We don't live by the facts of this world. We live by the heavenly facts. Wir leben nicht durch die Tatsachen dieser Welt, sondern durch die himmlischen Tatsachen. Amen. En nous, les enfants de Dieu, on ne vit pas à travers les faits de naturels de ce monde, mais on vit à travers le fait surnaturel de l'Éternel. You choose where to live. Wir entscheiden, wo wir leben. Et c'est nous on se décide de où on est en train de vivre. You cannot live in two places at the same time. Wir können nicht an beiden Orten gleichzeitig leben. On peut pas vivre dans deux places dans le même moment. You are either of heaven or you are of earth. Entweder bist du vom Himmel oder von der Welt. Nous sommes ou de la terre ou des cieux. He was poor was not the truth but lies. Dass er arm war, war nicht Wahrheit, sondern eine Lüge. Le fait que Joseph a été pauvre, c'était un mensonge pour l'Éternel. He was a prosperous man was that was of it was that was of the supernatural. Aber dass er ein wohlhabender Mensch ist, das war übernatürlich. Que il puisse être un homme prospère ou un homme de la foi, c'était un fait surnaturel. That he was poor was of the natural. Aber dass er arm ist, das war natürlich, vom natürlichen. Sa pauvreté, c'était naturel, c'était dans ce monde. Guess what? We belong to the supernatural. Wir gehören zum Übernatürlichen. Mais le truc est que nous, on appartient au surnaturel. Until you keep on living in the supernatural, the natural cannot change. Erst wenn wir im Übernatürlichen leben, wird sich das Natürliche verändern. On doit d'abord commencer à vivre dans le surnaturel pour que le naturel puisse changer, s'adapter. The supernatural is greater than the natural. Amen. Denn das Übernatürliche ist größer als das Natürliche. Tu dois comprendre que le surnaturel est plus grand que le naturel. For the natural to change, you need to live in the supernatural to change the natural, the outside. Damit sich das Natürliche ändert, musst du im Übernatürlichen leben, damit sich das Äußere ändert. Puisque le naturel, le physique que tu vois dans ce monde puisse changer, tu dois d'abord commencer à vivre dans le surnaturel pour le voir aussi sur terre. You know, if you want to see example of that, you know, Joseph also, amen. Joseph beispielsweise. Parce que si tu vois l'exemple de Joseph. He believed in the supernatural, and that's why he refused to sleep with that woman. Und deswegen hat er sich geweigert, mit dieser Frau zu schlafen. Lui, il était déjà en train de vivre dans le surnaturel, et c'est pour cela il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. You know, he might take him to prison. Es hat ihn vielleicht das Gefängnis gekostet. Même si ça l'a emmené à la prison. But he believed that the supernatural is greater than the natural. Amen. Aber er glaubt, dass das Übernatürliche größer ist als das Natürliche. Mais il a cru que le surnaturel est plus grand que le naturel. You know where the Lord wants you to live might not even be as good as where you are even coming from. Where he wants you to live. Wo der Herr dich haben möchte, das sieht vielleicht nicht so toll aus, wie der Ort, von dem du kommst. Là où l'Éternel veut te voir ou t'emmener, peut-être c'est même pas si beau comme la place d'où tu viens. Amen. You know the palace and the brook share under the tree. You know the Lord said, leave there, leave the palace and go to where? You get it. Go to the bush and that. You know, it's not where it's beautiful. It's not where it's fine. It's not where it's good. It's not where it's comfortable for you. It's what the Lord says. It's where the Lord wants you to be. Der Palast und dieser Bach Kriet, wo der Prophet Elijah hin soll. Und der Ort, an dem uns der Herr haben will, muss nicht der bequemere Ort sein, muss nicht der schönere Ort sein, muss nicht der vorteilhaftere Ort sein. Par exemple, si on voit l'exemple d'Élisée, il était dans le palais du roi, mais l'Éternel l'a envoyé dans le lac, je sais pas où, comment on appelle, Bar, bon, dans le lac là où à côté de, dans la vallée. Praise the Lord. Amen. Amen. Until we know how to live by Christ, we cannot understand him. Wenn wir nicht wissen, wie wir durch Christus leben, werden wir ihn nicht verstehen. Mais si on ne sait pas comment vivre à travers Jésus-Christ, on va pas le comprendre. You know, if the Lord wants you to start a business, it's not because you are going to get money from that business. Wenn der Herr dir sagt, dass du mit deinem Geschäft anfangen sollst, ist das nicht, weil du mit diesem Geschäft Geld machen wirst. Si l'Éternel te dit que tu vas ouvrir un magasin, par exemple, son motif, c'est pas parce que tu vas avoir beaucoup d'argent à travers ça. And it's not your motive should not be to get what the natural people are praying for to get. Your motive should be to obey his voice. Und dein Motiv, das dann zu starten ist, nicht damit du dann halt davon finanziell oder irgendwie anders schöpfen kannst, sondern damit, weil du tust es, weil der Herr es dir gesagt hat, weil du auf die Stimme des Herrn hörst. Ton motif, donc, quand l'Éternel te dit tu vas ouvrir un magasin, ton motif, ça doit pas être que pour commencer à gagner beaucoup d'argent, pour faire le business, mais en fait, ton motif, ça doit être parce que c'est la volonté de Dieu, c'est lui qui s'y attend, qui veut que tu puisses le faire. I mean, no, Potiphar's house will be more comfortable for Joseph than prison. Weil das Haus von Potiphar würde natürlich gesehen mehr Vorteile bringen und viel bequemer sein als ein Gefängnisaufenthalt. Si on retourne dans l'exemple de Joseph, le palais de Potiphar, c'est plus confortable que la prison. You know, Abraham, you know, God said, leave everything, leave your country, leave your people, leave all, go to a place that I will show you. You don't even know what is going to happen there. You don't know if you will have a place to sleep. You don't know if people will even welcome you. You don't know if people are going to hate you. He said, but go to a place. You know, you learn to obey his voice. Gott hat zu Abraham gesagt, geh in diesen Ort und ich werde dir zeigen, wohin. Und er wusste nicht, wohin, ob es da gemütlich sein wird, ob er dort willkommen sein wird, ob er da überhaupt gesehen werden will. Aber dennoch hat er ihm einfach vertraut und das gemacht. Par exemple, on voit aussi l'exemple de Abraham. L'Éternel a dit d'abandonner toute sa famille, d'abandonner tout ce qu'il avait pour partir. Il ne savait même pas où est-ce qu'il est en train de partir. Il ne savait pas s'il y aura une place à dormir. Il ne savait même pas s'il y aura des problèmes avec les habitants de la place. Il ne savait rien, mais il s'est décidé d'obéir. Anywhere he sent you to, it's a supernatural life that he sent you to. Amen, amen. Egal où il est hinschickt, c'est un übernatürliches Leben. N'importe où qu'il t'envoie, c'est une vie surnaturelle que tu vas mener. You might not be sleeping comfortably. The mattress might not be, you know, your own place might even be better. In everything, you have your privacy. You have this, you have this, you have this. But here you have Christ. Amen. I don't know. Yeah. Is somebody getting it? What is greater than having Christ? Amen. And obeying his voice. Und vielleicht der Ort, woher du kommst, das war gemütlicher und hattest du eine Privatsphäre und all diese Sachen. Aber es ist auch besser, da zu sein, wo der Herr einen haben möchte. Was ist größer als das? Peut-être la place d'où tu viens, ta maison est plus belle et plus grande. Tu as ta place privée, mais là où l'Éternel t'envoie, peut-être tu n'arrives pas à dormir. Il y a beaucoup de zizanie, il y a beaucoup de problèmes, mais l'essentiel est que tu es en train d'obéir à sa voix. Once you are obeying his voice, you are no longer in his natural world. You are in his supernatural world. Wenn wir seiner Stimme gehorchen, sind wir nicht mehr in der natürlichen Welt, sondern in der übernatürlichen Welt. Dès que tu obéis à la voix de l'Éternel, tu es en train de vivre une vie surnaturelle et tu ne vis plus une voie naturelle. The supernatural is always greater than the natural. Und das Übernatürliche ist immer größer als das Natürliche. Le surnaturel est toujours plus grand et plus et mieux que le naturel. And the supernatural far depends on your believing the only true God. Und die übernatürlichen Tatsachen basieren darauf, ob wir dem wahrhaftigen Gott, allein wahrhaftigen Gott, glauben. Et le fait surnaturel, ça dépend que de ta foi. Si toi tu crois réellement à l'Éternel et à Jésus-Christ. And it depends on your love relationship with Him. Und es basiert auf deiner Liebesbeziehung mit dem Herrn. Et ça dépend aussi de ta relation amoureuse avec l'Éternel. I said love, relationship. Liebesbeziehung mit Et je dis la relation love, amoureuse. Intimate relationship. Eine intime Liebesbeziehung mit Jesus Christus. La relation amoureuse intime avec love Jésus Christ. Love and not fear. Liebe, aber nicht Angst. Je parle de l'amour et pas de la peur. Amen. Mm. It's not you know, the relationship is not based on if I don't have it with him, he will not protect me. He will not bless me. If I'm not there, he will not protect me. If I'm not there, he will not bless me. That's a fear relationship. Und diese Beziehung beruht nicht darauf, nach dem Motto, wenn ich keine Beziehung mit Jesus habe, wird er mich nicht segnen, wird er mich nicht schützen, wird er mich nicht wird er nicht für mich da sein, sondern sie basiert wirklich nur auf der Liebe von Jesus Christus, was er für dich getan hat. Deswegen bist du bei ihm. Pourquoi je ne dis que c'est l'amour et pas la peur? Parce qu'il y a des gens qui se font des histoires pour Dieu et se disent, oui, je dois faire comme ça, je dois partir à l'église ou bien prier, sinon il ne va pas me protéger. Sinon, il va me laisser. Donc, ça devient la peur. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire par amour. Si la relation est sous la loi, eine Furchtbeziehung ist unter dem Gesetz. Parce que une relation par peur, c'est sur la loi. If you look at, you know, we went to Nigeria, you can see everywhere is fear relationship with Christ. Als wir in Nigeria waren, haben wir gesehen, dass fear relationship. Überall diese Furchtbeziehung mit Jesus Christus geführt wird. Quand on était en Nigeria, on a vu que partout, il s'agit c'est que d'une relation de Dieu avec la peur. You know, they want to come to church. They want to bless the house of God. They want to do this. But they are based on fear. Sie wollen das Haus Gottes segnen. Sie wollen das Haus Gottes da sein. Sich die Predigt anhören. Aber das tun sie alles aus Zwang, aus Angst, aber nicht aus Liebe. Ils veulent, par exemple, en Nigeria, on a vu que les gens, ils veulent bénir la maison de Dieu, donner les offrandes. Ils veulent toujours être à l'église et être là pour les enfants de Dieu. Mais c'est tout basé sur la peur. C'est pas basé par amour, parce qu'ils ont peur que Dieu puisse les rejeter, peut-être. No, if I don't bless the house of God, God will not bless me. If I don't bless the house of God, He will not protect me. If I, you see, those are the, you know, if I'm not in the church, you know, the protection. What about the protection? They are, all those are fear relationship. Dieses Ganze, dass wenn Christ ich nicht zur Gemeinde gehe, wird der Herr mich nicht segnen. Oder wenn ich nicht in die Gemeinde gebe, wird der Herr mich bestrafen. All diese Lügen werden dafür sorgen, dass der Geist der Wahrheit eben nicht wirken kann, weil der Geist der Wahrheit nur mit der Wahrheit arbeiten kann, nicht mit Lügen. Ils se disent quelquefois, oui, je dois partir, je dois donner à l'église, comme ça l'Éternel va aussi me bénir. Ou bien, je dois être à l'église parce que, comme ça l'Éternel doit aussi va me protéger. Donc, on voit que le motif des personnes pour être dans l'église ou bien pour bénir la maison de Dieu, c'est tout basé sur la peur. Don't allow your blessing in the house of Christ to be of necessity. Lass nicht zu, dass das in das Haus Gottes Segen. If I don't do it, aus Angst, it will not be there for me. Oder aus aus Zwang oder aus ich will einfach Notwendigkeit, ich will einfach Diskussion aus dem Weg gehen. Tu ne dois pas vraiment, tu ne dois jamais autoriser le tu dois jamais vouloir bénir à la maison de Dieu, la maison de Dieu ou bien donner tes offrandes par nécessité ou bien par peur ou bien par condition parce que tu te dis que si je ne donne pas à Dieu aujourd'hui mon 10%, moi demain je n'aurai pas de salaire ou bien je veux perdre mon travail. Donc ça ne doit jamais être notre motif. Praise the Lord. Hallelujah. Your relationship with Christ, let it be love relationship. Deine Beziehung mit Christus, lass du es eine Liebesbeziehung hast. Ta relation avec Jésus-Christ, ça doit vraiment être une relation amoureuse à travers l'amour. Amen. Amen. Love relationship means what he did for me. Liebesbeziehung bedeutet, was er für mich getan hat. Une relation amoureuse, ça veut dire que c'est qu'il a fait pour toi. If things work or not, it doesn't matter. Ob Dinge funktionieren oder nicht, but ist egal. But he died for me. He loves me. He is my God. He should be he. Er ist mein Gott. It's not what you want from him. Und what you desire, what you are hungry of. Peu importe qu'est-ce qu'il a que si ce que toi tu vois ou bien tu aimerais que ça puisse se faire ou bien ça se fait pas ou bien ça marche ou bien ça marche pas, n'importe quelle situation, toi tu dis moi j'aime Jésus-Christ et je donne parce que je l'aime, parce qu'il a déjà tout accompli, parce que je suis amoureuse de lui. Donc ça, c'est basé, c'est qui te pousse à faire des histoires, c'est l'amour et pas autre chose. You know the three Hebrew boys, they will consider their relationship with the true God was love relationship. If you do it or not, if we burn in the fire or not, it doesn't matter. We will not bow down before Amen. You king. Can you see it? It's love relationship. It's not. Let us do it so that we will not burn in the fire. You know, they did not see that. He must save us. He must save us. For them, it doesn't matter if he saved them or not. What matters is that he is the true God. I don't know. That is love relationship. Die drei hebräischen Jungs hatten eine Liebesbeziehung mit Gott. Ihre Beziehung basiert nicht darauf, ob der Herr sie retten kann, sondern Sie waren bereit, dem Herrn zu folgen, selbst wenn sie verbrennen würden, weil sie ihm vertraut haben und weil sie ihn geliebt haben. On voit aussi l'exemple des trois garçons hébreux. Eux, ils avaient une relation amoureuse avec l'Éternel parce qu'ils se disaient que on ne va jamais glorifier le roi, on va glorifier seulement l'Éternel. Et peu importe s'ils vont nous tuer ou bien ils vont nous brûler ou pas, nous, on ne va pas faire ce qu'eux nous disent parce qu'on aime, on est amoureux de Jésus-Christ. Ils sont même partis jusqu'au point qu'on les a vraiment mis au feu et ils n'ont pas révidé ou bien ils n'ont pas dit que... ou bien ils n'ont pas voulu partir en arrière. Ils ont continué à marcher par l'amour. Ils sont partis même dans ce feu-là. You know, I heard that song we are saying. I heard somebody saying it that, you know, it was as if the three Hebrew boys, they were not so sure that the Lord will save them. They were doubting. They were not doubting. For them, it was, it doesn't matter if it is death or life. What matter is that we are for the true God. Amen. That's love relationship. Die drei hebräischen Jungs waren nicht im Zweifel. Sie waren einfach nur in einer Situation, wo sie gesagt haben, dass egal wie es kommt, egal was if passiert, I'm married or not, wir werden beim Herrn bleiben. Ob ich heirate oder nicht, ich werde beim Herrn bleiben. Und das ist kein Unvertrauen, das ist nur einfach eine Sicherheit in seiner Person, in dem, was Jesus ist. Ici, par exemple, il y a des gens qui disent, elle a écouté dire que les gens se demandaient, oui, les trois garçons hébreux, peut-être ils étaient en train de douter de leur salut parce qu'ils ont dit que oui. Maman vient d'expliquer que eux, les trois garçons, ils n'ont pas douté. Ils étaient seulement juste sûrs de leur amour avec Jésus-Christ. Ils se disaient que n'importe qu'est-ce qui se passe, ou si on va mourir ou on ne va pas mourir, on va brûler ou on ne peut pas brûler, on sait que on est avec lui et qu'il nous aime et c'était notre assurance en fait. Praise the Lord. Halleluja. Ein Vertrauen darauf, dass Christus mehr ist als diese Ehe oder dass Christus mehr ist als das Leben, was ich hier vermutlich verlieren werde, wenn ich in diesen Feuerofen geschmissen werde. Donc ils avaient l'assurance, ils faisaient confiance en Dieu et c'était leur assurance parce qu'ils se disaient que peu importe qu'est-ce qui va se passer. Dieu est notre assurance, même si on n'a pas une vie, on nous enlève notre vie naturelle ici, mais c'est lui notre vie en fait. It is not about his work. Things must work. It is about he is Christ. He is God. Es geht nicht darum, dass Dinge funktionieren müssen, sondern es geht darum, dass er Christus ist und dass er Christus für mich ist. Il ne s'agit pas que les choses dans naturel puissent marcher comme on veut. Il s'agit de comprendre que Jésus-Christ est aussi le Christ pour nous. Il est mon Seigneur et il est aussi mon Sauveur à moi, personnel. Again, the supernatural fact depends on your believing the only true God. Die übernatürlichen Tatsachen basieren darauf, dass wir auf dem wahrhaftigen Gott, dass wir dem wahrhaftigen Gott glauben. Le fait surnaturel est basé sur notre foi envers l'Éternel. And it depends on your love relationship with Him. Und es basiert auf deiner Liebesbeziehung mit ihm. Et ça dépend aussi, ça dépend aussi de notre relation amoureuse avec l'Éternel. And it also depends on what Christ called the truth. Und es basiert auch auf dem, was Christus die Wahrheit nennt. Et ça dépend aussi de ce que l'Éternel appelle vérité. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And another fact. Let us go into another fact. Eine andere Tatsache. On va voir un autre fait, réalité. It is a fact that you are not married. Es ist eine Tatsache, dass du, nicht verheiratet bist, wenn du allein stehst. Si tu es célibataire, c'est un fait naturellement que tu n'es pas marié. Amen. That you are not married, that you are single in the natural world. It is a fact. Es ist eine Tatsache, dass du nicht verheiratet bist. Naturellement, c'est la réalité que tu n'es pas marié si tu es célibataire. It is also a fact that you are married to Christ. Mais c'est une Tatsache, dass du verheiratet bist mit Christus in der himmlischen Welt. Mais c'est aussi une réalité que tu es marié avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Are you getting it? We live in the heavenly world and not in the natural world. We are in the world but not of this world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. La Bible nous dit aussi que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est aussi une réalité. If you are even married, It is a fact that I am married. Let me use myself as an example. Oder genauso, wenn du verheiratet bist, ist es auch eine Tatsache, dass du verheiratet bist. Je vous donne un exemple de moi-même. C'est une réalité que moi, je suis mariée ici sur Terre. And it is also a fact that Christ is my husband. Aber es ist auch eine Tatsache, yeah, dass Christ so get in it. Mein Ehemann ist. Mais c'est aussi une réalité que Jésus-Christ est mon mari. It is a supernatural fact. C'est une übernatürliche Tatsache. C'est une réalité, un fait surnaturel. Christ is my husband is real. It's more real than my natural husband is my is my husband. Ist für mich realer als mein physischer Ehemann, mein Ehemann. Le fait que Jésus-Christ est mon époux et mon mari, c'est une réalité. C'est même plus réel que le fait que mon mari est mon mari. That all the you know Christ is my husband is forever. Amen. And nothing can stop it. But the natural husband is just here. Weil die Ehe mit Jesus ist für immer. Aber die Ehe mit meinem physischen Partner ist nur eine Lebenszeit lang. Parce que mon mariage surnaturel avec l'éternel, c'était un fait, c'est une réalité pour toujours, qui va aller pour toujours. Mais un mariage avec mon mari ici sur Terre, c'est une chose qui est temporaire, c'est seulement ici sur Terre. Are you getting it? Let's go to Isaiah 54. On va lire Isaïe 54. Isaiah 54. Yeah. Verse 5. Verse 5. Verset 5. Isaiah 54, verset 5. Isaiah 54, verse 5. Amen. Amen. Are we there, please? He said, for your maker is your husband. The Lord of hosts is his name. Amen. And the Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth, shall he be called? Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. Je l'ai lu en français. Verset 5, car celui qui t'a fait, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Then go to Jeremiah 3, please. Jeremiah 3. Jérémie 3. Verset 14. 3, 14. Jérémie 3, verset 14. Davor war es Isaiah 54, 5. Jeremiah 3, verse 14. Jérémie 3, verset 14. Praise the Lord. Alléluia. Verse 14. Are we there, please? Verse 14. Verset 14. A husband that never leaves us, that never forsakes us. Ein Ehemann, der uns niemals verlässt oder im Stich lässt. Un époux qui va jamais nous laisser nous quitter. And I say, if nothing is working for you as a married, no marriage is going, what business? Who cares? Who cares? You have a marriage with Christ. That is that nothing can change it. Wenn du eine Ehe hast, die kaputt ist, musst du dir deswegen keine Gedanken machen, denn du hast eine himmlische Ehe, die vollkommen ist und die ewig ist. Si tu as même un mariage qui est détruit ou bien qui t'énerve, tu dois comprendre que tu as un mari, un époux qui va jamais te décevoir et qui va jamais t'abandonner. And whatever is happening, your natural, you know, your marriage naturally should not even bother you, because you have a marriage with the only true God, amen. That nothing can change. That is forever, everlasting. That alone should be your joy. Du hast eine ewige Ehe mit Jesus Christus, und das allein sollte deine Freude sein, und nicht die Dinge, die in deiner physischen Ehe passieren oder nicht passieren. Donc, le fait que tu puisses être la femme ou de l'Éternel, ou bien que tu puisses être marié avec l'Éternel, ça doit être ta joie et pas le fait que dans ton mariage naturel les histoires marchent ou bien ça marche pas. You know, a husband leaves you, a wife leaves you. You know, and you feel alone. You know, God, children are never alone. Wenn dich eine Ehefrau verlässt, dann solltest du dich nicht alleine fühlen, denn der Herr lässt dich niemals alleine. Parce que un époux ou bien une épouse sont capables de t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, mais l'Éternel va jamais t'abandonner. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois jamais te sentir seul. It's a turn, oh, backsliding children, said the Lord. For I am married unto you, and I will take you one of a city and two of a family, and I will bring you to Zion. Praise the Lord. Hallelujah. I am married unto you. Der Herr sagt, ich bin mit euch verheiratet. Ici, le verset 14, l'Éternel dit qu'il est marié avec nous. Jérémie 31 maintenant. Here we will know. We will see how we are married to Jesus. Hier wir erkennen, wie fern wir verheiratet sind mit Jesus. Ici Jérémie 31, on va comprendre comment on est marié avec Jésus-Christ. Look at verse 32. Jérémie 31 verset 32. Jérémie 31 verset 32. Are we there, please? He said, not according to the covenant that I made with your father, with their fathers in the day, that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, though I was an husband unto them, said the Lord. Is somebody getting something? Can I read it quickly? Yeah, can you read it? Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir de l'Égypte, car cette alliance-là, ils ont rompu, alors que moi, je suis leur suzerain éternel, et l'Éternel déclare suzerain. Donc, even the old church, he said he was their husband. Selbst in der Gemeinde des alten Bündnisses war er ihr Ehemann. Même dans l'ancienne alliance, il était aussi leur mari, comme il nous dit. How was he their husband through the covenant? Und wie war er ihr Mann durch das Bündnis? Et comment il était leur mari à travers leur alliance? How is Christ our husband through the covenant? Amen. Wie ist jetzt Christ unser Ehemann auch durch das Bündnis seines Blutes? Et comment maintenant notre nouvelle alliance est aussi à travers le sang de Jésus-Christ qu'il est notre mari. 31 to 33. On va lire 33. Donc de 31 à 33. Ok. It says, behold, the days come, said the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel. We are in that period now. Wir sind jetzt in dieser Zeit. A new covenant. Ein neues Bündnis. On a maintenant une nouvelle alliance qu'on voit dans 31. Amen. And with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their father, in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, though I was an husband unto them, said the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. 33. After 33. Those days, said the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Amen. Praise the Lord. Amen. Through the Spirit. Durch den Geist. We have covenant with him. Haben wir ein Bündnis mit ihm. Ici, on voit qu'on a une nouvelle alliance avec lui à travers notre esprit. That is how we are his husband. So ist er, so ist er unser Ehemann. C'est comme si à travers l'esprit qu'il est notre mari. Amen. He is our everlasting husband. Er ist unser ewiger Ehemann. Il est notre mari, notre époux éternel. Even no death can even stop it. Kein Tod kann es aufhalten. Même la mort ne peut pas l'arrêter d'être notre époux. The covenant, you know, marriage is based on covenant. Même un mariage physique est basé sur à travers une alliance. The natural marriage is based on covenant. It's a fact. And that of heaven with Christ is also a fact. Die natürliche Ehe basiert auf einem Bündnis. Sie ist eine Tatsache und genauso auch die Ehe mit Christus. Sie ist basiert auf einem Bündnis und es ist eine Tatsache. Un mariage avec avec l'Éternel, c'est aussi une alliance spirituelle et c'est aussi basé par ce fait là. You know, he had talked about the new contract, the new covenant, the new contract with the Lord. Hier geht's um das neue Bündnis mit dem Herrn. Ici, on parle d'un nouveau une nouvelle alliance avec l'Éternel. Everlasting covenant. Ein ewiges Bündnis. Une alliance éternelle. The natural marriage is temporary covenant. Aber die natürliche Ehe ist ein zeitliches Bündnis. Mais un mariage naturel, c'est un mariage, c'est une alliance qui est temporaire. You know, in Romans 7, we will talk about it. It used law to describe, you know, law as a husband and wife. Let us go there. Let's go there now. We have it later, better. Let us go there now. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. On va lire. Romans 7 from verse 1 to 6. Romains 7. On va lire Romains 7. Romains 7. 1-6. 1-6. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. For the woman which hath an husband is bound by the law of her husband, so long as he liveth." I don't know if somebody's getting it. Mm. But if the husband is dead, she is loose from the law of her husband. Mm. Is somebody getting something? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's using law as a husband and a wife. How we are free from the law. The laws of Moses. Er benutzt hier das Gesetz, uns zu erklären, wiefern wir verheiratet waren mit dem Gesetz. Il utilise ici l'alliance de Moïse pour nous expliquer comment on est maintenant séparés, on a été libérés par l'alliance de Moïse, qu'on a maintenant une nouvelle alliance avec lui. Amen. I would there, please. Mm-hmm. So it says verse 3. If while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. Are you getting it? Mm. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she is married to another man. I read it quick now. Okay, shut. Donc, si du vivant de son mari, elle devienne la femme d'un autre homme, elle sera considérée comme une adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être une adultère. Yeah, he's talking about grace and law. Hier ist von Gnade und Gesetz. Ici, il parle de la loi et de la grâce. We were once married to law, and now we are not married. Because the law is dead. And now we are not married to grace. Aber jetzt sind wir verheiratet mit der Gnade. Ici, il parle de la loi et de la grâce. Avant, on était mariés avec la loi. Et maintenant que la loi est morte à travers la vie de Jésus-Christ, on est maintenant mariés avec la grâce. Ah, praise the Lord. Alléluia. Verse 4. Verset 4. My brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. That you should be married to another, even to him who is raised from the dead. Amen. Are you getting it? Christ is your husband. Christos is my Ehemann. En est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Jésus-Christ, vous êtes aussi morts par rapport à la loi pour appartenir à une autre, à celui qui est ressuscité pour que nous portions les fruits pour Dieu. Jésus-Christ est notre mari. Amen. Praise the Lord. Ça se voit Amen. Ici. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something here? Hallelujah. That we should bring forth. Let me read for again. Wherefore, my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ. On répète verset 4. Hein? That you should be married to another, even to him who is raised from the dead. Mm-hmm. That we should bring forth fruit unto God. Praise the Lord. Verse 5. For when we were in the flesh, the motion of sin, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. But now we are delivered from the law. That being dead, wherein we were held, that we should serve in newness of spirit. And not in the oldness of the latter. Second Corinthians said, the latter killeth, but the spirit gives life. In 2. Korinther steht, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist gibt Leben. En 2 Corinthiens, il est écrit que la parole, l'écriture tue, mais l'esprit donne la vie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You get it, please. You understand it. Mm-hmm. Amen. Amen. 2 Corinthians. We go. Let us quickly go to that of 2 Corinthians. 2 Corinthiens 3. On va lire 2 Corinthiens 3. You know, here that is Romans 7, verse 6, talk about the latter and the old and the old. The latter, which is the old, and then the spirit, which is the new. In Römer 6 sehen wir, dass der Geist ist das Neue, von dem hier gesprochen wird, und der Buchstabe ist das Alte. Dans Romains, d'abord, dans Romains 6, là où on était, das Wort. Latter. Buchstabe. Latter. L mit E. Latter ist, in Englisch, das ist die früher. The law. The law. The law is the latter. The latter. The tablet, the writing on the tablet, that shall not all these commandments. It's the latter. Tablet. Because it was written on the law, on the tablet. No, Moses' stone. His first stone he brought out. That's why they call it tablet. They call it a letter. Because it was written on the stone. You know, when Moses got to the front of the people, he found out they were worshipping idols, and he destroyed it. He threw it, he used it to destroy them. And the Lord now said, you now cut the stone by yourself. The first stone was given, was provided by God himself. And now the other one that he now gave them, because he destroyed that the old one, it was not given by Moses have to now carve the stone by himself to be able to write the letters. That's why it's called letter. You get it? Praise the Lord. Hallelujah. Look at these two. No, verses of Romans 7. Verses 6 to Romans. Then put hand 7. In 2 Corinthians 3. Mommy, what's my mama? Because you already said the next, okay, and now you're going back. No, again. I want to compare the two. I want you to see the two. Okay, let me explain. Elle veut maintenant comparer Romains 7 et 2 Corinthiens 3. Donc, pour mettre quelque chose dedans. Are we there, please? He said, now we are delivered from the law, verse 6. that being dead, wherein we were held, that we should serve in newness of the spirit and not of the oldness of the latter. Then look at 2 Corinthians 3. 2 Corinthiens 3. On a lu ici, mais maintenant libérés du régime de la loi, mort et ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu une manière nouvelle par esprit et non plus sur le régime primé de la lettre de la loi. Maintenant, 2 Corinthiens 3. From verse 4, let's read from verse 4 of 2 Corinthians 3. He said, and such trust have we through Christ to God's word. Verse 5. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Verse 6. Who also have made us able ministers of the New Testament, for the latter, not of the latter, but of the Spirit, for the latter killeth, but the Spirit gives life. Is somebody, you get it here? Praise the Lord. Amen. The latter killeth. The old means death. Donc, la loi nous... Das alte bedeutet Tod. La loi, l'ancien, ça signifie la mort. Amen. On a lu ça en verset 7. Praise the Lord. Verset 6, pardon. Can you see how you are married to Jesus? Seht ihr, wie ihr verheiratet seid mit Jesus? Tu peux voir comment tu es marié avec Jésus-Christ. Everlasting covenant. Ewiges Bündnis. Notre alliance éternelle. Amen. The natural covenant is not forever. Das natürliche Bündnis ist nicht für immer. Notre alliance naturelle, c'est pas pour toujours. You know the covenant he had with the children of Israel was not forever. Das Bündnis, was er mit den Kindern Israels hatte, war nicht für immer. L'alliance qu'il avait avec les enfants d'Israël, c'était pas pour toujours. Amen. You know, though they are seeing it as if it's still on. Auch wenn sie glauben, dass es immer noch it's over since the coming of Christ. Immer noch gültig ist, es ist vorbei, seitdem Christus gekommen ist. Et dès que le jour que Jésus-Christ est venu, l'ancien était déjà, ça a été déjà aboli, comment on appelle, brisé, abîmé. Heavenly fasts are forever if you allow it. Himmlische fasts. Also himmlische Tatsachen sind für immer, wenn du das zulässt. Les faits, les réalités du royaume des cieux, c'est pour toujours si toi tu autorises, tu permets. So also is Father. We have the natural Father. It is a fact. Genauso, dass wir einen natürlichen Vater haben. Das ist eine Tatsache. Tout comme qu'on a un père naturel, c'est surnaturel, naturel c'est une réalité. And we have Christ as our heavenly Father. Und wir haben auch Christus als unseren himmlischen Vater. Das ist auch eine Tatsache. Mais on a aussi Jésus-Christ comme notre père surnaturel, c'est aussi une réalité. And even said, he said, call no my Father on earth. Und sagt auch, nenn niemanden Vater hier auf Erden. Et il a même écrit qu'on doit pas, on a appelé personne père sur terre. Amen. Amen. Amen. You know, Christ, our Father, is more real than the natural Father as our Father. Christus als unser Vater, das ist realer als unser natürlicher Vater. It should Vater. Be more real to you. Das sollte realer sein. Notre Père, Jésus-Christ comme notre Père, c'est plus, ça doit être pour nous, des enfants de Dieu, plus réel que notre Père naturel comme notre Père. Amen. On doit Amen. Donc plus considérer Jésus-Christ comme notre Père que notre... It should be more real to you that Christ as your Father than your natural Father as your Father. Das sollte realer sein, Christus als dein Vater, als dein natürlicher Vater als Vater. Je répète, ça doit vraiment être plus réel pour toi aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Père. Tu dois vraiment le considérer plus que ton père, que soit ton père terrestre. No matter how good your natural father might be. Egal wie gut dein Christ natürlicher Vater as ist. Your father should be more real to you. Christus als dein Vater soll realer sein für dich. Peu importe si tu vois ton père chaque jour, Jésus, le fait que Jésus-Christ soit ton père, ça doit être vraiment plus réel pour toi. C'est, amen. Tu dois le croire. Praise the Lord. Amen. That's a place I could have liked to go if we can find it. Amen. And that is Jeremiah. Let me see if we can get it. Jeremy. Jeremiah. Or Isaiah. It's in Isaiah. We don't depend on the flesh, we depend on the spirit. Wir verlassen uns auf das Fleisch und auf den Geist. On ne dépend pas de la de la okay. chair, on yeah, dépend de l'esprit. Isaiah 31. Go to Isaiah 31. Isaiah 31. Isaiah 31. Amen. Are we there, please? We are going to read from one. Eins. Verset un. Yes, I have it. Amen. Amen. Isaiah 31, from verse 1. Isaiah 31, verset 31. It's a woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariot, because they are many. Mm-hmm. In horsemen, because they are very strong. Mm-hmm. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Yet he also is wise, and I will bring evil, and will not call back his word, but will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that walk iniquity. Now the Egyptians are men, and not gods. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Your natural father, mother, they are man, they are men, and not God. Deine natürlichen Eltern sind Menschen, nicht Gott. Ici on voit qu'il est écrit aussi que notre père terrestre, notre parent terrestre, nos parents terrestres, ce sont des êtres humains, ils ne sont pas des dieux. And that's why you don't depend on your job. Mais si verlässt du dich nicht your auf deine job Arbeit. Is not your provider. Deine Arbeit ist nicht dein Versorger. It is flesh. Et c'est pour cela que tu ne dépends pas de ton travail, parce que ton travail, c'est la chair, c'est pas ton fournisseur. No flesh will ever be your provider. Kein Fleisch sollte dein Versorger sein. Amen. N'importe quel, peu importe quelle chair, ça ne doit pas être la chose laquelle tu dépends de. No mother should ever be your provider. No father should ever be your provider. Flesh, she said, now the Egyptians are made. The Egyptian is talking about is about your mother, your father, your brother, your sister, the flesh, anything flesh is the Egyptian. Are you getting it? Your job, your beauty, your education, just name it. He said they are men and not God. Deine Schönheit ist, ob es deine Bildung ist. Depend all diese fleischlichen Dinge sind nicht Gott, sondern Gott ist Gott allein. Deswegen sollen wir uns auf ihn verlassen, nicht auf diese Sachen. N'importe quelle chose dans ta vie, ta beauté, ton intelligence, tes qualités, peu importe quoi, ça ne doit, tu ne dois pas te concentrer à ces choses-là, parce que ce sont des histoires terrestres et ce n'est pas Dieu. Donc tu dois seulement faire confiance à Dieu. Tu dois, c'est lui qui est ton soutien, c'est lui qui va te fournir. Ce n'est pas, pas la chair ou bien tes qualités naturelles. You know, parents, some parents, they don't even like this. Einige Eltern gefällt das nicht, diese Aussage. C'est que je suis en train de dire, il y a beaucoup de parents qui ne, ça ne les plaît pas. Amen. They want to see in their life of their children that they are the Alpha and Omega. You better allow it to be Christ. If not, you are a target for Satan. Weil sie wollen, dass sie Anfang und Ende für das Leben ihrer Kinder bedeuten. Aber wenn wir das tun, wenn wir uns auf diese Position stellen, wenn wir uns auf diesen Thron setzen, werden wir zu einer Zielscheibe des Satans. Parce que ces parents-là, quelquefois, ils veulent que leurs enfants puissent les prendre ou bien les voir comme leur Dieu sur terre. pour, mais si nous, les parents, on autorise que nos enfants puissent nous voir comme des dieux ici sur terre, c'est le diable qui va commencer à nous attaquer pour détruire aussi nos enfants. And that is why no man should ever be the head of the family. Kein Mensch der Kopf der Familie sein, nur Christus. Et c'est pour cela un homme doit jamais être la tête de la famille. C'est Jésus-Christ qui doit être d'abord la tête de la Satan famille. Satan always go after the head. But he knows that once he is over with the head, he's over with the body. Der Satan zielt immer auf den Kopf. So. Weil er weiß, dass wenn der Kopf weg ist, ist der Körper Geschichte. It's useless. The body is useless once the head is off. Yeah. Parce he que go le diable, after the head. Parce que le diable, en fait, lui, il veut d'abord décapiter une personne. Il veut d'abord travailler à travers la tête de la famille. Dès qu'il a la tête de la famille, dès qu'il a détruit la tête de la famille, il va détruire le reste. Et c'est pour cela, c'est comme c'est pour nous faire voir que si on met notre mari ou bien notre père comme le dieu le dieu de notre famille, il va d'abord détruire la personne là pour après abîmer détruire notre famille. Everything in your marriage should be Christ. Chaque chose dans notre mariage. Ça doit être Jésus-Christ, sinon le diable... Chaque chose dans notre famille, ça doit être le Jésus-Christ, parce que sinon le diable va profiter pour nous détruire à travers ce qu'on ne lui donne pas. The breadwinner of the family should never be man, but Christ. Der Verdiener, der Hauptverdiener in der Familie sollte Christus sein und nicht der Mensch. La personne qui nourrit la famille, le nourrisseur de la famille, ça doit être Jésus-Christ et pas notre mari ou bien notre femme. The man not, you know, the husband might not be working, the wife is the one working. The wife should never see him herself as the breadwinner. Das gleiche gilt auch, should see Christ as the breadwinner, if not. Das gleiche gilt auch, wenn der Ehemann vielleicht arbeitslos ist und die Frau arbeitet, dann darf die Frau sich auch nicht als Kopf der Familie oder als Versorger der Familie sehen, sondern es ist immer noch Christus alleine. Même par exemple, si un mari, lui, ne travaille pas et c'est la femme qui travaille, la femme elle-même aussi, elle ne doit jamais se voir elle-même comme la personne qui gagne de l'argent, qui emmène, qui nourrit la famille. Elle doit toujours aussi apprendre à voir Jésus-Christ comme le nourrisseur de la famille. And also the husband. Okay, and also the husband, if he is the one working and he is the one being there for, you know, through, the Lord is going to go through somebody. For to be there for the family. And if you are the one he's going through, and you are not, it's a matter, you know, if you see yourself as the head, it's a matter of time, you will become like Lucifer, that became so proud in heaven and he was kicked out. Natürlich wird der Herr durch jemanden wirken, um die Familie auch zu versorgen, durch Arbeit und andere Sachen. Aber wir müssen uns in Acht nehmen, dass wir diese Verwalterposition, diese Aufgabe, die wir von ihm bekommen, dass die uns nicht zu Kopf steigt und dass wir auf einmal uns damit rühmen und diese Position, die wir bekommen haben, vom Herrn ausnutzen, im Stolz und in Hochmut zu wandeln, weil sonst passiert uns das gleich wie der Satan, der auch in Stolz und Hochmut gewandelt ist. Und wir wissen alle, was mit ihm passiert ist. Ihm wurde diese Position weggenommen. Er wurde vom Himmel verbannt. On doit comprendre que même un homme, quand il nourrit la famille, le nourrisseur de la famille, lui aussi doit apprendre à voir que Jésus-Christ comme nourrisseur de la famille, parce que sinon le diable va commencer aussi à travailler, parce que naturellement, oui, c'est vrai que Dieu doit travailler à travers quelqu'un, doit marcher, se manifester à travers quelqu'un, il doit utiliser quelqu'un dans la famille, ou l'homme ou la femme, mais si l'homme se voit lui-même comme fournisseur ou bien comme nourrisseur de la famille, il va commencer à être orgueilleux, il va commencer à avoir l'orgueil et il va commencer aussi à être comme le diable, comme Lucifer lui-même qui voulait être adoré. You know, people wonder why marriages are destroyed today. Leute wundern sich, weshalb Ehen in die Brüche gehen. Les gens se demandent pourquoi sont surpris le fait que les mariages ne fonctionnent plus ces jours ici. If Christ is not the head of the family, Satan will be the head. Wenn Christus nicht der Kopf der Familie ist, wird es der Teufel sein. Mais si c'est pas Jésus-Christ la tête de la famille, ça sera le diable. You choose to allow Christ to be the head of the family. Und du lässt zu, dass Christus der Kopf der Familie ist. C'est toi qui dois choisir et d'accepter que Jésus-Christ soit la tête de la famille. No man, no woman should be the head of the family. Kein Mann, keine Frau sollte der Kopf der Familie sein. Aucun homme, aucune femme doit être la tête de la famille, sauf Jésus-Christ lui-même. You learn to see Christ. Du lernst Christus zu On sehen. Doit apprendre à voir Jésus-Christ. You learn to go to Christ. Du lernst zu Christus zu gehen. On doit apprendre de, you learn to, de marcher to, vers, de partir vers Jésus-Christ. To go to him. For it is what it, you know, the man of the house will say, what I say is final. It's what Christ says is that is final. And not what man say. Und der Mann im Haus kann nicht bestimmen, dass was ich sage das letzte Wort ist, like sondern das was Christus sagt ist das letzte Wort. Parce que l'homme de la famille, le mari de la famille, l'homme de la famille va, il est capable à dire que c'est que moi je dis c'est final. Mais non, c'est pas ce que lui dit c'est final, c'est ce que Jésus-Christ dit. C'est ça qui est final. Praise the Lord. Und das ist so, das haben wir unterschrieben, als wir uns für Jesus Christus entschieden haben, dass wir unser Leben abgegeben haben, dass er Herr über unser Leben ist. Und selbst wenn wir in der Ehe sind, ist er immer noch Herr über unserem Leben. Et ça, c'est une réalité, c'est final, parce que quand on s'est décidé de donner notre vie à Jésus-Christ, c'est ça qu'on a signé, c'est ça le lien qu'on a accepté avec lui. Quand on est né de nouveau, on a dit que tous nos familles, notre relation, nos mariages, tout, c'est toi qui es... C'est d'abord toi et le reste va suivre. You know, I love the Bible so much. I don't know if you love the Bible like I love the Bible. You know, everything here, they are so lekker. Look at verse 3 again. He said, now the Egyptians are men and not God. And their horses, flesh, are not spirit. Are you getting it? They are horses. They are horses. You know, horses have power. Ihr wisst, dass Pferde Kraft haben. Man sagt sogar Pferdekraft, Pferdestärke. Ici, vous voyez que on voit ici aussi que vous savez que les chevaux, ils ont aussi beaucoup de puissance. They want to measure something that have power today. They measure it with horses. You get it because of their strength. But he said their horses are flesh and not spirit. That of Christ is spirit. Und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist, sie sind machtlos. Ici on voit Isaïe 31:3 les chevaux ici ils sont c'est charnel. Ce sont des créatures terrestres. Praise the Lord. Mais ils sont pas des esprits, ils sont pas esprits. Go to Jeremiah 17. Let's go there. Jeremiah 17:5. Jérémie 17, verset 5. Are we there, please? The Lord, you know, Christ's word is our protection. Die Welt von Christus ist zu unserem Schutz. Le monde de Jésus-Christ, c'est notre protection. His commandments are for our protection. Seine Gebote sind für unseren Schutz. Ses commandements sont pour notre protection. Amen. There is a destroyer everywhere. Denn es gibt einen Zerstörer überall. Parce qu'il y a une personne qui veut détruire. There is a thief everywhere. Es gibt einen Dieb, der sucht. Il y a un voleur ici qui est en train de chercher. That wants to steal your joy, your peace. Der unsere Freude, unseren Frieden, unsere Ruhe stehlen will. Et ces voleurs-là veut détruire notre joie. But the Lord have his own protection. Aber der Herr hat seinen eigenen Schutz für seine Kinder. Amen. Mais l'Éternel, il a un Remember me and believe me. Wir sollen uns an ihn erinnern und ihm glauben. Mais l'Éternel a sa propre protection pour ses enfants et il a dit qu'on doit seulement croire en lui, se rappeler de lui et croire en lui. Verse 5. Verse 5. He said, thus said the Lord, cursed be the man that trusted in man, and made flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Praise the Lord. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Amen. Cause be the man, you know, that trusted in himself. Verflucht sei der Mensch, der auf den Menschen vertraut, selbst der auf sich selbst vertraut. Verset 5 dit que maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais là il parle aussi de toi-même aussi. Si tu te confies à toi-même aussi, tu es maudit. The maker flesh is arm, and whose heart departed from the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Et qui fait le moyen humain la source de sa force. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. The covenant, you know, the covenant with the natural man is not forever, but that of Christ is forever. Ein Bündnis mit einem Menschen ist nicht für immer, aber das Bündnis mit Jesus ist für immer. Une alliance avec l'être humain, c'est pas pour toujours, mais l'alliance avec l'Éternel, c'est pour toujours. All heavenly facts, they are forever. Alle himmlischen Tatsachen sind für immer. Wenn du es zulässt. Tous les faits et les réalités célestes, c'est pour toujours, mais c'est tout pour toujours seulement si toi tu autorises. Tu Amen. Laisses. You know that of the Father. Call no my Father on earth. Amen. Zum Beispiel, dass wir niemanden Vater nennen sollen auf Erden. No, you have Father on earth. Obwohl wir einen irdischen Vater haben. Le fait, par exemple, je vous donne un exemple. Le fait qu'on ne doit pas appeler un être humain père sur terre. Malgré on a un père terrestre. It's not against you having father on earth. It's against you depending on your father. It's like having money. It's not against you having money. It is your trust in money. Your loving money. Money is to love God's children. Es geht nicht darum, dass du keinen irdischen Vater hier auf Erden haben sollst, sondern du sollst dich nicht auf diesen irdischen Vater verlassen, genauso wie du nicht arm sein sollst, sondern du sollst Geld haben und du sollst dich auf dieses Geld nicht verlassen. Und dieses Geld sollte dir hinterherjagen, sollte dich aufsuchen, weil der Segen des Herrn uns aufsucht und nicht umgekehrt. Le fait, par exemple, que Dieu a dit qu'on ne doit pas appeler un être humain notre père sauf lui, c'est pas parce qu'il est contre notre père terrestre. Il est juste, il veut juste nous faire voir ou nous faire comprendre qu'on ne doit pas dépendre de notre père terrestre. On doit dépendre que de lui. C'est la même chose quand il dit à la Bible, il dit que de ne pas aimer l'argent. Et il ne dit pas ça parce que l'argent est quelque chose de mauvais pour nous, parce que lui, il veut qu'on puisse être riche, en effet. Mais il veut seulement qu'on puisse pas dépendre aussi de cet argent, parce que l'amour de l'argent, ça va aussi nous éloigner de son amour de lui-même. Et c'est ça ce qu'il veut qu'on puisse comprendre. Just like it did not say we should not work, but don't depend on that job. Allow him to be your provider, and not the job your provider. He did not say don't go to the hospital, but don't allow the doctor to be your healer. He is your healer. I don't know if you are getting it. You get it, because you still have the body to deal with. You do things, but you don't, that is not your life. He is your life. That's Christ. Genauso gehst du noch zur Arbeit, aber dein Arbeitgeber ist nicht dein Versorger. Und genauso gehst du auch zum Arzt, aber der Arzt ist nicht dein Heiler, sondern Christus ist deine Heilung, er ist deine Versorgung, er ist alles. C'est la même chose avec notre travail ou bien notre quand on part chez le docteur. On doit travailler, on peut travailler, oui, on doit aussi travailler, oui. Mais le truc est que notre travail, on ne doit pas dépendre de notre travail, parce que c'est Dieu à qui on dépend, c'est lui qui est notre source, c'est lui qui va nous donner notre salaire. Et c'est la même chose avec notre partir chez le docteur. C'est que le docteur dit, c'est pas final, c'est la parole de Dieu qui te donne la vie, c'est lui qui va décider du reste de ta vie et pas le docteur. Praise the Lord. Malgré que tu y vas. Then the earthly brothers and sisters. Die irdischen Geschwister. Et maintenant, on parle maintenant des sœurs et frères terrestres. We have them. They are facts. Das wir sie haben, ist eine Tatsache. C'est un fait. C'est une réalité qu'on a nos frères et sœurs terrestres. It is also fact that we have heavenly siblings. Es ist auch eine Tatsache, dass wir himmlische Geschwister haben. Mais c'est aussi un fait as une réalité qu'on a des frères et sœurs surnaturels. You know, one of which is, who is Peter, John, Paul. You know, you can see them. They are already there. Amen. They are our siblings. They are our family. Peter, John. You know, the disciples. Amen. And you and me. You know, we are. You know, it is a fact. We have the natural. Well, it is a fact. The heavenly Father. We have the supernatural. Aber genauso ist auch eine himmlische Tatsache, dass wir Geschwister haben. Und diese Geschwister, das geht von Paulus, Petrus, Johannes bis zu den Leuten, die wir heute hier vor uns haben. Und das ist auch eine Tatsache, weil wir Geschwister sind durch das Blut von Jesus Christus. Es ist eine himmlische Tatsache, an die wir glauben. C'est aussi une réalité, un effet que nous, qu'on a aussi des frères et sœurs surnaturels comme les disciples, Paul, Jean, je ne sais pas, eux tous, ce sont aussi nos frères, juste nos frères et sœurs qu'on voit ici. C'est ça, c'est une réalité céleste. Are we there, please? You know, in 1 Peter 1, he called the earthly grass. In 1 Peter 1, c'est das irdische Gras. Dans 1 Pierre, on va lire. Il a appelé tout ce qui est terrestre. Il a appelé que c'est. Il a dit que c'est l'herbe. 1 Pierre. C'est pour all the flesh. All. Non, son. Alles flesh. All. Anything flesh. Alles flesh. Sickness in flesh. Mother, parents in flesh. They are like grass. Je suis grass. They are as grass. Somebody get in. Ici, il a dit, en effet, il écrit, tout homme est pareil à l'herbe. Toute la gloire comme la fleur des champs, l'herbe. Donc, tout homme est comme terrestre. Il parle de ce qui est terrestre. Donc, ça signifie, quand il dit tout, c'est nos frères et sœurs terrestres, c'est aussi inclus. Eux aussi, ce sont comme de l'herbe. C'est même nos parents, tout. And that's why it's so important we learn to live in the spirit. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, im Geist zu leben. Et c'est pour cela c'est important d'apprendre à vivre en esprit. We have been so used to the flesh. Aber wir sind so gewöhnt an das Fleisch. On est trop habitué à la chair. No, we are there for, you know, we are there for people because we are related in the flesh. Wir sind da für Leute, weil wir verwandt sind mit ihnen im Fleisch. Charnellement, on est vraiment lié aux êtres humains parce que nous sommes vraiment liés avec eux parce qu'ils sont nos frères et sœurs charnellement. He said all flesh is as grass. Aber er sagt, alles Fleisch ist wie Gras. Et mais il dit que chaque tout ce qui est de terrestre c'est comme de l'herbe. It's a matter of time they are going to be destroyed, perish. C'est une frage de temps, bis es zerstört wird, bis es vergeht. Quand il dit que c'est comme de l'herbe, ça signifie que c'est une question de temps que tout puisse être détruit. You know, that's why you not do your labor. You know, labor. You labor to be there. You labor to be there for them in the flesh, not in the spirit, but in the flesh. You know, in John 6. Johannes 6. It's a labor for the meat that never perish. Sollen wir? And not for the meat that perish. Für die unvergängliche Speise arbeiten, nicht für die vergängliche. Par exemple, en Jean 6, il a dit qu'on doit travailler ou bien on doit on doit travailler pour la nourriture qui ne périt jamais. Et pas pour la nourriture qui périt ici sur terre. Your relationship with God's children should be more important to you than your relationship with your siblings that are not of Christ. Deine Beziehung mit deinen Geschwistern in Christus sollte dir wichtig sein als deine Beziehung mit den Leuten, die nicht wieder mit den Geschwistern, die nicht wiedergeboren sind. Ta relation avec les enfants de Dieu, tes frères et sœurs en Christ, ça doit même être plus important que la relation de tes frères et sœurs qui ne sont pas de Jésus Christ. Value your relationship with one another. Schätze deine Beziehung miteinander. More than any other, the flesh, you know, the flesh family. The Bible calling. Look at verse 24. Are we there, please? Mm-hmm. He said, for all flesh is as grass, and all the glory of man is as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But your relationship, you know, your that of Christ's family, but the word, that is verse 25, but the word of the Lord endureth forever. That of Christ is forever. That's from Christus, aber forever. Labor to that relationship. Verset 25 with God's family should never. Don't allow anything to tamper with it. Das darf nicht zu kurz kommen. Das darf nicht darunter leiden. Deine Beziehung mit deinen Geschwistern Christus darf nicht darunter leiden. Verset 25 nous dit que celui de Jésus-Christ, de l'Éternel, de l'Esprit, ça va rester pour toujours. Ça signifie que tes relations, par exemple, tu dois vraiment examiner tes relations et de voir que tout ce qui n'est pas de l'Esprit, ça ne vaut même pas la peine à vouloir entrer dedans parce que c'est une question du temps pour que ça puisse se détruire. Mais ta relation en esprit, tes relations en esprit avec les enfants de Dieu qui sont vraiment de l'Éternel, tu ne dois jamais vouloir laisser le diable le rompre. Rompre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, it's so easy for the earthly family to come to Christ. It's easy. But we make it so difficult. Es ist eigentlich einfach, dass die irdische Familie zu Christus kommt. Aber wir machen es schwierig. Normalement, c'est facile que nos parents, que nos familles terrestres puissent venir vers Jésus-Christ. Mais c'est nous, on le fait difficile. C'est, oui. Are you getting on le complique ça nous-mêmes. Amen. Vous expliquez ça. You're joining them. is doing more harm than evil. Wenn du sie immer wieder unterstützt, führt das dazu, dass das eher weg vom Ziel geht, als in, zum Ziel, dass sie zu Christus kommen. Par exemple, le fait que tu puisses toujours les soutenir dans la chair, ça va même les éloigner de plus de Jésus-Christ que les ramener vers. Be there for them that you know that they don't know the truth. Für sie dazu. You want to cover it up. Obwohl man weiß, no, dass sie die Wahrheit kennen. You are not there to help them to tell them that the Holy Ghost is real. Im Fleisch für sie da zu sein, aber nicht im Geist für sie da zu sein, das bringt mehr Schaden, als das, was bringt. Weil man unterstützt sie somit in ihrem Irrglauben. Man unterstützt sie auf ihrem Irrweg. Par exemple, si on est, on a des, on a, si par exemple, on a nos frères et sœurs et, qui n'ont pas l'éternel, mais nous, on se décide toujours d'être là avec eux, malgré on sait qu'ils n'ont pas la vérité, au lieu de leur dire que le Saint-Esprit est là, il est réel, il va t'aider et il va marcher, au lieu de le faire, quelquefois on ne le fait pas parce que on veut être là dans la chair pour eux. Ça signifie qu'on ne les aime pas, on est en train de les détester, et ça, c'est pas l'amour. You know, it's too late for somebody to tell me the Holy Spirit is not real. Es ist zu spät, dass mir jemand versucht einzureden, dass der Heilige Geist nicht real ist. Yes, all this that I'm teaching, they are not coming from anybody. Denn der Heilige Geist spricht zu mir. Und das, weil diese Dinge, die ich hier sage, mit euch teile, kommen nicht von Menschen, sondern von ihm. I've never heard it from anywhere. Yeah, come directly from. C'est très tard que quelqu'un puisse me dire que le Saint-Esprit n'est pas vivant, parce que je vous dis que le Saint-Esprit me parle. Tout ce que je vous ai en train de vous dire aujourd'hui, moi, je suis pas, à l'auteur de le connaître. C'est le Saint-Esprit qui me le dit. Il parle vivamment avec moi. Je l'écoute. If the Holy Spirit is not real, if he is not speaking, if he is not walking, then you are not safe. Wenn der Heilige Geist not spricht, nicht because he is the power of salvation. Bist du nicht errettet, weil der Heilige Geist ist der Kraft. If somebody can say that. Der Heilige Geist ist die Kraft der Errettung. On doit comprendre que le Saint-Esprit est la puissance du salut. Et si tu es en train de, tu penses que le Saint-Esprit n'existe pas ou bien qu'il est, que tu lui limites, ça signifie que tu dois t'en douter même de ton propre salut. And you are there, you don't even see it as a big deal. Aber, you that call yourself a son of God. Aber wir, die wir uns Kinder Gottes nennen, I don't know if you are getting it. Wir unterstützen immer wieder das It's Fleisch. Und wir sehen das gar nicht als große Sache. Uns ist es noch nicht mal unangenehm, zu wissen, dass wir eigentlich eine andere Aufgabe hier verfolgen sollten, als die, die wir immer wieder hier suchen, nämlich Menschen zu gefallen, Menschen gefallen zu tun. Et nous, le problème avec nous, les enfants de Dieu, quand on écoute des histoires comme ça, quelquefois, on est en train même d'appuyer ou bien d'être là avec les mêmes personnes qui ne comprennent pas l'importance du Saint-Esprit. Et toi, tu t'appelles même toi-même aussi un enfant de Dieu. C'est un peu ça fait bizarre. Praise the Lord. Hallelujah. You know, out of Apostle 4 and 5, you know, that those places will help you to know how the Lord acts to the people. How he brings people from outside into his kingdom. He said they were one in him, and the Lord added more. If you, let me just explain this. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that's why things can easily work for one person more than it can work for two people if they are in the same church. Es ist Apostelgeschichte 4 und 5, da lesen wir ganz klar, wie der Herr mehr Leute in die Gemeinde gebracht hat, weil diese Leute, die in der Gemeinde waren, eins waren, Christus. Und deswegen ist es manchmal sogar einfacher, dass wenn es um eine Sache geht, die nur eine Person angeht, dass diese Sachen oft einfacher vorangehen oder einfacher sich manifestieren, als wenn es mehrere Leute involviert, weil dann mehrere Leute in Christus sein müssen und daran scheitert es. Beispielsweise, wenn zwei Leute in die gleiche Gemeinde gehen. Par exemple, si on lit dans Actes des Apôtres, on voit que c'est plus facile que d'être un quand on parle dans une même église. Parce que... Le Seigneur peut plus qu'agir. Parce que le Seigneur est capable de plus mieux agir parce que vous écoutez la même nourriture. Et vous êtes un en Christ. Ok. Et parce que si c'est plusieurs églises, c'est un peu plus difficile parce que tout le monde doit vraiment avoir la vraie réalité, la vérité de la même réalité pour être un. You know, a relationship with Christ is like a rope. Eine Beziehung mit Christus ist wie ein Seil. Une relation avec Jésus-Christ, c'est comme un, c'est comme un fil, c'est comme une ligne. You know, if you and God's children, you are one, you will be on one side. Wenn du one side of the rope. Mit den Kindern Gottes. That rope. Let me say, this is the rope. Eins bis mit Christus, dann werdet ihr auf einer Seite dieses Seiles stehen. Si toi, les enfants de Dieu, vous êtes un en Jésus-Christ, vous êtes dans une dans une même vous êtes dans le même côté de la corde. Dans une même côté de la corde. And the rope, you know, the others, they are there. Those you want to come into Christ. For those your loved ones you want to come to Jesus. You know, they are on the other side. And if two of you are pulling the rope, it's more even effective than even one pulling it. But if two of you, that rope, you not make it to now be you on one side and the other on the other side, and you are fighting one another. No, I don't even know how I will explain it. Man kann sich das vorstellen, wie das wie Tauziehen. Tauziehen ist ein Spiel, wo auf zwei Seiten von einem riesigen Tau, also von einem riesigen Seil, zwei Mannschaften stehen. Und die Mannschaft, die am stärksten zieht und die andere Mannschaft über diese Linie dann sogar zieht, hat gewonnen. Und im Königreich Gottes können wir uns das auch so vorstellen, dass wenn wir Menschen zu Christus bringen wollen, ist es wichtig, dass wir als Gemeinde oder als Familie eins sind in Christus, damit wir als Gemeinschaft auf einer Seite dieses Taues stehen und ziehen und auf der anderen Seite wird dann die weltliche Familie versuchen zu ziehen. Aber weil wir ja den Herrn bei uns haben, sind wir ja eh in der Überzahl und können so ziehen, dass die anderen Leute, die nicht wiedergeboren sind, die nicht zur Familie von Christus gehören, dann mit in das Königreich kommen. Aber das Problem ist, dass wir halt untereinander dann this auch die ganze not Zeit, we and them. It's not between we and we. Dass wir dann untereinander, halt auch Streit haben, auch Diskrepanzen haben, auch Zwietracht haben, auch Spaltung haben, dass wir nicht gemeinsam als Team agieren können, um die andere Mannschaft rüberzuziehen und zu gewinnen. Wir sind dann sozusagen in einem eigenen Tauziehen zwischeneinander. Und während wir dann ein Tauziehen spielen, miteinander, zwischeneinander, schaut die weltliche Familie, schaut die Welt uns zu und belächelt uns. You get it. Donc, je veux comprendre que c'est comme quand on est en train de tirer la corde. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans un même côté, dans un même coin. On tire la corde, on essaye de ramener les gens qui sont de l'autre côté vers Jésus-Christ. Mais le problème est que si nous, les enfants de Dieu, on n'est pas en accord ensemble, on n'est pas un en Jésus-Christ, cette corde, c'est plus entre nous et les enfants de ce monde qu'on veut ramener vers Jésus-Christ, ça devient cette corde, ça devient entre nous, les enfants de Dieu, entre nous deux. Et subitement, les gens qu'on veut même tirer, on les abandonne d'abord. On les laisse d'abord à côté parce qu'on est maintenant en train d'essayer d'être un, nous deux maintenant, l'un à l'autre. Et ça peut aussi être dangereux pour nos familles ou bien qui ne sont pas encore venus vers Jésus-Christ parce que maintenant on est en train de se disputer et nous entre nous et ça c'est pas effectif, l'effectivité n'est plus là parce que dans ce temps-là au lieu de continuer à être un en esprit quand on devient d'abord un peu divisé dans ce temps-là il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer on peut parce qu'on n'est pas en train de voir les autres ça peut se passer que l'autre puisse avoir qu'il ne puisse plus être dans la protection parce que nous on s'occupe plus d'eux on est en train de s'occuper de nous-mêmes et tente d'essayer de se ramener l'un vers l'autre. You understand it? C'était un peu compréhensible. C'était un peu bizarre. So now, if it is one person the focus is drawing the rope, is drawing the rope. And if it is not two people supposed to be stronger than one person to be there to bring them in. But these two people, if they are now, if it is now fight, you know, the rope is between them. And those people, they are watching. They are seeing you. They are seeing what is happening. And the rope is not even directly, you are not directing it to them to bring them in. It's not a matter of their coming in. It's a matter of you are even surviving. I don't know. Yeah. You get it. Und das Problem ist halt, wenn es halt ein Mannschaftsspiel wäre, wenn es ein Spiel wäre, wo nur eine Person sozusagen agieren muss, dann wäre es okay, du machst einfach deinen Job, verlässt dich auf Christus und ziehst, aber hier geht es um eine Sache, wo der Herr wo es wichtig ist, dass man eins ist in einem Team. Es ist ein Team, es ist eine Teamarbeit. Und dieser Teamarbeit müssen beide in Christus sein und beide als eins agieren, als funktionierenden Körper agieren, damit sie zusammen an diesem Seil ziehen können. Aber wenn sie halt gespalten sind, wenn sie in Zwietracht sind, wenn sie in Streit sind, werden sie gegeneinander kämpfen und es wird den Leuten gar nicht mehr darum gehen, andere Menschen zu Christus zu bringen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass ich überlebe und nicht bei diesem Streit, den ich dann zwischen dir habe, ums Leben komme. Und während dieser Streitigkeiten, während dieser Unnötigkeiten, schaut die Welt zu und belächelt uns. Und da comprendre que c'est comme un jeu avec tu joues avec équipe contre équipe en fait. Donc c'est pas que tu es seul. S'il s'agissait de jouer seul, que moi je prie pour les autres et puis Dieu va faire, c'est pas un problème. Mais Dieu veut qu'on puisse être un. Il a dit ça plusieurs fois dans la Bible, qu'on doit être un, on doit vivre dans une unité. Et c'est pour cela, c'est comme si on est dans une équipe et si cette équipe n'essaie pas de gagner contre l'autre équipe quand on veut les ramener vers Jésus-Christ, et cette équipe est en train de se discuter l'un vers l'autre, c'est comme si on est aussi en train de vouloir aussi se survivre dans notre équipe. Donc comment tu veux gagner contre l'autre équipe si dans ton équipe, tu n'es pas un, vous êtes en train d'essayer de survivre. Et les autres sont en train de regarder pendant que vous êtes en train de vous chamailler vous-même dans votre équipe. Donc c'est une équipe perdante à la fin. Are you getting it? Mm-hmm. And now you see, and I say, come and join us so that you fight like us. Und du schaust den Leuten zu der Zuschauertribüne und sagst, komm in das Königreich Gottes, damit du genauso wie wir Streit hast. Aber wer hat auf so eine Einladung Lust? Wer nimmt so eine Einladung ernst? Et si les gens vous regardent maintenant, vous êtes en train de vous discuter vous-même, hein? Et quand tu vas commencer maintenant à inviter les gens de venir dans votre église, par exemple, et on vous voit entre vos chamailles, qui va venir? Personne va venir parce qu'on peut pas même pas vous. And the more, normally, the more we are in Christ's world, the better for Christ. Mm-hmm. But it's also good for Satan, mm-hmm. if you look at it in a way, because you know if you cannot go through this, he will go through the other. Yeah. To start to brief fight between them. Und deswegen eigentlich ist es gut, dass wenn wir viele Leute sind, die in Christus sind, die Christus nachfolgen. One is going to open the door. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder gut für den Satan, weil er sich dann denkt, okay, ich habe mehrere Leute, durch die ich arbeiten könnte. Wenn die Person nicht mit mir kooperiert, vielleicht der andere. Dann, wenn er nicht, dann vielleicht sie. Und wenn sie nicht, vielleicht die anderen zwei. Ja. Er hat viele Leute, durch die er gehen kann, um halt diese Zerstörung zu bringen. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Segen dann auf einmal zu einem Fluch wird. En fait, c'est une bénédiction quand on est une équipe qui est un en Jésus-Christ, parce que c'est ça que l'Éternel, c'est la vision de l'Éternel pour nous. Mais quand on ouvre la porte pour le diable d'entrer aussi au milieu des enfants de Dieu, le diable, ça lui plaît aussi qu'on puisse être nombreux, parce qu'il sait que si je n'arrive pas à travailler contre A, je vais travailler à travers B ou bien C. Donc il a un peu, hein, il peut faire bien ces zizanies là qu'il aime bien faire. Et c'est ça qu'on doit comprendre, qu'on doit vraiment avoir cette unité, parce que sinon c'est une question du temps que le diable puisse entrer, commencer à jouer avec nous tous. Remember his word, say we are two or three are gathered in his name, is there. Amen. We are gathered in his name. But if you are not gathered in his name, somebody will be there. That's Satan. Are you getting it? Und erinnert euch daran, dass das Wort sagt, dass dort, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, dort ist er. Aber genauso, wenn wir in einem anderen Namen versammelt sind, nicht in seinem Namen versammelt sind, ist der Satan anwesend. Et c'est pour cela la Bible dit aussi que on doit se rappeler que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Mais c'est aussi comme ça où là où deux ou trois sont réunis, pas dans le nom de Dieu, c'est le diable qui est forcément là. Amen. And now we are two. Rafa and Mama here, they are two now. Amen. You know, there should be one in Christ. And if you are one in Christ, you know, the time, you even shorten the time for others to come in. The others on the family. But if you are if you are not fighting one another, you drive them away. You are the one that do not, you know, you are praying for them. You are having prayer requests upon prayer requests. Pray for, we want them to come in. We want them to come in. Meanwhile, there's the same mouth that the sweet water is coming out from, the same mouth bitter water is coming out. from it. Aus dem gleichen Wasserhahn kann nicht sauberes, undreckiges Wasser kommen. Wir können nicht versuchen, Leute von außen reinzubringen zu wollen, aber im Haus herrscht Streit und Krieg zwischen den Kindern Gottes. Wir müssen eins sein in Christus, eins in der Wahrheit, eins im Geist, eins in dem gleichen Leben. Sonst wird es nicht funktionieren, sonst werden wir uns immer wieder im Kreis drehen. Und dann können wir so viele Prayer Requests nennen, wie wir wollen, wenn wir nicht bei uns selbst anfangen. Et maman nous a donné un exemple, elle a dit par exemple, comme on voit ici, maman et Ralph sont ici, s'ils sont un en esprit, lorsqu'ils continuent à être un en esprit, ils peuvent même emmener vers Jésus-Christ, même le reste des membres de famille, plusieurs et plusieurs et plusieurs. Mais s'il s'agissait à Rejected, que par exemple, en esprit, eux-mêmes, ils ne sont pas en accord l'un à l'autre, il y aura les autres ne pourront pas venir vers Jésus-Christ parce que eux ils sont pas un, hein? Donc dans la même bouche de l'eau sucrée et de l'eau amère ne peut pas sortir de même moment, donc on doit vraiment se concentrer vraiment à être un. Praise the Lord. Praise your homework. Act 4. Apostelgeschichte 4. Notre devoir. Act 4. Please. Amen. All this we are talking about. Actes des Apôtres 4. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Acte 4 and Acte 5. Actes des Apôtres 4 et 5. Our earthly siblings, they are fat. No, it is fat that we have them. So also it is fat that we have heavenly brothers and sisters. Es ist eine Tatsache, dass wir irdische Geschwister haben, aber es ist auch eine Tatsache, dass wir geistliche, himmlische Geschwister haben. C'est une réalité qu'on a des frères et sœurs naturels, mais c'est aussi une réalité qu'on a des frères et sœurs surnaturels. And also it is a fact that there is a king in the natural world. And so also it's a fact that we are kings in Christ's world. It's a fact. Es ist eine Tatsache, dass es Könige in dieser Welt gibt. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir Könige sind im Königreich. Pareil, tout comme il y a, c'est un fait, c'est une réalité qu'il y a des rois ici dans ce monde, des rois terrestres. Mais c'est aussi une réalité que nous-mêmes, dans le royaume des cieux, nous sommes des rois. We have to learn and to know, to learn. We should learn to know and understand heavenly facts. Wir müssen lernen, diese himmlischen Tatsachen zu verstehen. On doit apprendre à comprendre les faits ou les réalités surnaturelles du royaume des cieux. We don't walk by earthly facts. Wir wandeln nicht durch die irdischen Tatsachen, sondern durch die himmlischen Tatsachen. On vit pas à travers les faits naturels, mais au terrestre, mais on vit à travers le fait surnaturel et du royaume des cieux. What man call victory or what they call problem, they are natural facts. Was der Mensch or what religion called victory or problem, they are natural facts. Oder was Religion Probleme nennt, das sind natürliche Tatsachen. C'est que l'homme, l'être humain ou bien la religion appelle problème, ça ce sont de faits, des réalités naturelles. It's like the dress you are wearing, it's a fact you are wearing it, but it's a matter of time you are going to pull it. Es ist eine Tatsache, dass du gerade etwas anhast, aber irgendwann wirst du dich umziehen. C'est par exemple, c'est un fait que tu as mis tes vêtements maintenant là, mais c'est une question de temps que tu vas enlever ces vêtements que tu as mis. So also it's a fact that Christ lives in you and it is forever. Genauso ist eine Tatsache, dass Christus in dir lebt. Tout comme c'est une réalité que Jésus-Christ vit en toi pour toujours. Amen. We have just read 1 Peter 1:24, the natural fact. That talks about the natural fact that is like grass. Die natürlichen Tatsachen, die wie Gras sind. Les faits naturels sont comme de l'herbe. Amen. Amen. We belong to heavenly fact that never decay. Wir gehören zu den himmlischen Tatsachen, die niemals vergehen. And we live forever. Und wir leben für immer. Nous, on vient ou on dépend des faits, des réalités surnaturelles qui vont jamais être détruites. You know, Hebrew 11, 1. Hébreux 11, 1. There it is written that faith is heavenly fact. Da lesen wir, dass der Glaube eine himmlische Tatsache ist. Amen. Là on lit que la foi, croire en Jésus-Christ, c'est un fait, c'est une réalité surnaturelle. It is evidence, not seen. Are you getting it? It is evident. The natural man cannot see it because they are spiritually discerned. Es sind Tatsachen, die der Mensch nicht sehen kann, aber ihre Existenz ist da. Sie sind Tatsachen. Cette réalité là, c'est une évidence que l'homme terrestre ne peut pas voir, mais c'est une réalité surnaturelle qu'on doit y croire. 1 Corinthiens 2, please. 1 Corinthiens 2. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens 2. Praise the Lord. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Praise the Lord. Amen. The natural man cannot see them. He cannot know them. Kann es nicht sehen, er kann es nicht erkennen. L'homme naturel ne peut pas le voir, ne peut pas voir l'esprit. Because they are spiritually discerned. Weil es geistlich beurteilt werden muss. Parce que ça doit être on doit le voir, les histoires, on doit le voir surnaturellement. It is only through Christ you can know the things of Christ. Nur durch Christus können wir die Dinge von Christus erkennen. C'est seulement à travers Jésus-Christ qu'on est capable de voir et de comprendre les histoires surnaturelles. He said, but the natural man receives not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Praise the Lord. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, et ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. The Bible is not written to your mind, it's written to your spirit. Die Bibel ist nicht zu deinen Gedanken geschrieben, sondern zu deinem Geist. La Bible n'est pas écrite pour tes pensées, elle est écrite pour ton esprit. And that's why the natural man cannot get it. Deswegen kann der natürliche Mensch es nicht verstehen. Weil with the flesh. Er versucht es mit dem Fleisch zu verstehen, nachzuvollziehen. Et c'est pour cela l'être humain ne peut pas le comprendre parce que ne peut pas comprendre la Bible parce que il essaye toujours à comprendre la Bible à travers son cerveau naturel. You can only understand the Bible through the Spirit. Du kannst die Bibel nur durch den Geist verstehen. It is spirit to spirit. Es ist von Geist zu Geist. If you are not a spiritual world, you cannot understand the Bible. Wenn du nicht in der geistlichen Welt bist, wirst du die Bibel nicht verstehen können. Tu peux que comprendre la vie surnaturelle à travers l'esprit parce que c'est esprit à esprit. Si tu n'es pas capable de vivre en esprit, tu n'es pas capable à comprendre le monde spirituel. And that's why you know even the devil, the demons, they know Jesus. You know, when they see Jesus, because the spirit, so spirit can see. You know, because they know that this is spirit, this is different. Sie wissen, dass hier anders ist. Sie erkennen den Geist. Sie wissen, was dieser Geist höher ist als eine höhere Macht angehört. La Bible dit que même les démons sont capables de comprendre, de voir. Ils sont aussi des esprits. Ils ont même peur de Dieu et de Jésus-Christ parce qu'ils sont capables à voir que, ok, c'est un esprit qui est plus puissant que nous. And that's why the Bible is not written to your mind, to the natural man. It's written to your spirit. It is only through the spirit. You can know and understand what is there. And how do you do that? By submitting to Christ. You now see Christ. You submit to Christ. Du übergibst dich Christus. Du schaust auf Christus. D'abord, tu dois apprendre à voir que Jésus-Christ et à te soumettre à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You can't be born again and not submit to Christ. Du kannst wiedergeboren sein. If I say born again, maybe pray the prayer. Und dennoch dich weigern, dich dem Heiligen Geist hinzugeben. Du hast das Gebet gesprochen. Tu peux être né de nouveau. Et par ça, je dis par exemple, tu as prié la prière du salut, mais tu veux pas te soumettre à Jésus-Christ. And be filled with your prayer, the prayer of baptism of the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit and not submit to the Holy Spirit. Genau. And it's a matter of time. How the salvation will go. Salvation needs your cooperation. Your salvation needs you. Deine Errettung that you are saved, that, is, that you are saved today does not mean you'll be saved tomorrow. Dass du heute errettet bist, bedeutet nicht, dass du morgen errettet bist. Es ist eine tägliche Entscheidung für Christus und gegen diese Welt. On doit comprendre que notre salut a besoin de notre coopération. En fait, tu peux être né de nouveau, tu peux être même rempli du Saint-Esprit, mais tu peux aussi te décider de ne pas travailler ou bien de marcher en accord avec le Saint-Esprit ou en accord avec, avec l'Éternel. Et là, tu es en train de... C'est une question de temps que ton salut puisse même disparaître. Parce que tu refuses de vivre en esprit. Praise the Lord. Amen. The Bible is not written to the five senses. Die Bibel ist nicht geschrieben zu den fünf Sinnen. La Bible n'est pas écrite pour les cinq sens. Do you know how you know that? Elijah's servant could not see it. Denn Elijah's Knecht hat es gesehen. Die, die bei ihm sind, größer sind als die an der Welt. His eyes were open, koro koro. It was even bigger than maybe Teddy's table. But you cannot see, you can see nothing. With five senses, you can see nothing. You need the spiritual sense. You know, that's the number six. That's believing Christ. That's the number six. That is what you used to see in the spiritual world. Seine Augen waren riesig. Er hatte wahrscheinlich so große Augen wie Özil. Er hatte Glubschaugen vielleicht. Aber dennoch. Aber dennoch konnte er das Geistliche nicht sehen. Par exemple, on voit aussi l'exemple de du servant de Élisée. Lui, par exemple, il avait ouvert ses yeux vraiment gros comme ça. Elle en arrive parce qu'elle a dit Miss Mavondo. Il a ouvert ses yeux, mais il n'était pas capable de le voir parce que c'était physiquement. Tu peux ouvrir les yeux comme tu veux, mais tu n'es pas capable de voir les histoires qui sont dans l'esprit. Ça doit être ouvert en esprit pour le comprendre, pour être capable à voir ce que Dieu veut te montrer. I hope you still remember the place. Amen. He said, open his eyes. He prayed that the Lord open his eyes. Elijah hat gebetet, dass der Herr die Augen des Knechtes öffnet, damit er die geistlichen Augen öffnet, damit er das Geistliche sieht, erkennt. Élisée a prié que l'Éternel puisse ouvrir les yeux surnaturels, les yeux spirituels de, du servant pour qu'il puisse être capable de voir ce que l'Éternel voyait aussi. His natural eyes were open, but he could not see. Ses natürlichen Augen waren offen, aber konnte nicht sehen. Ses yeux naturels étaient ouverts, mais n'était pas capable à voir. He was not naturally blind, but spiritually blind. Er war nicht natürlich blind, er war geistlich blind. Il n'était pas aveugle naturellement, mais il était aveugle surnaturellement spirituellement. You know, it can happen to us. We do even got children. Und das kann auch after the flesh, we are spiritually blind. Wenn wir hinter dem Fleisch her sind, sind wir geistlich blind. I'm going to do this. I'm this one sick. The other one sick. Why don't you go to what Christ did for you and live in the spirit? Amen. Deshalb schauen wir nicht auf das, was Christus getan hat und leben im Geist. Pourquoi on voit pas ce que l'Éternel a pour nous et on vit dans l'esprit? Stop seeing what you don't have. See what you have. That is Christ. Hör auf das zu schauen, was du nicht hast. Schau auf das, was du hast. Und das ist Christus. On doit arrêter à voir ce qu'on n'a pas. On doit voir ce qu'on doit apprendre à voir ce que on a, ce qu'on possède. Ce qu'on possède. Et ça, c'est comme ça qu'on voit Jésus Christ. Faith is not I'm going to have it. Glauben ist nicht, faith ich werde es haben. Fact. It's real. Glauben ist schon da. It is heavenly fact. Das sind himmlische Tatsachen. La foi, c'est pas que je veux posséder quelque chose. La foi, c'est que tu as déjà. The Bible calls it evidence of things not seen. Die Bibel nennt es eine Tatsache von Dingen, die man nicht sieht. Une évidence des choses qu'on peut pas voir. Amen. Amen. It did not say that does not exist. It said not seen. Die nicht existieren. The flesh cannot see it. Das Fleisch kann es nicht sehen. Il n'a pas dit c'est une évidence des choses qu'on peut pas qui n'existent pas, mais il a dit que ce sont une évidence des choses que nous on peut pas voir. La chair n'est pas capable de le voir. Praise the Lord. Hallelujah. You might be going through one problem or the other. Vielleicht gehst du durch Probleme. Peut-être tu es en train de traverser des natural facts. Das sind natürliche Tatsachen. Mais ces problèmes là, ces moments là, ce sont des histoires naturelles. But don't forget you have heavenly facts. Aber vergiss nicht, dass du himmlische Tatsachen hast. Faut pas oublier que tu as aussi des faits des réalités surnaturelles. You know, the Syrian army surrounded, they were surrounding Elisha and the servant. Die syrische Armee stand um Elijah und seinen Knecht. Das Problem, was du vor dir hast, ist eine Tatsache. Aber der Erfolg ist auch eine Tatsache. Der Sieg ist auch eine Tatsache. Le fait que l'armée syrienne était autour de Élisée et son servant, c'est une réalité. Mais la réalité, mais leur victoire, c'était aussi une réalité. C'est tout comme la même dans ta vie aussi. Tous tes problèmes, oui, ce sont des réalités naturelles, mais tu dois pas considérer ça parce qu'on commence à considérer les réalités d'en haut, de Jésus-Christ, que la victoire il t'a déjà donné, pas il va te donner, mais il t'a déjà donné. And that's why faith is magnet. To believe is magnet. Deswegen, der Glaube ist ein Magnet. C'est pour cela, la foi c'est un magnet. You know what magnet is? It draws something. And magnet seed. Your belief bring out. It bring out what you have in the spirit to dominate whatever is outside there. Er bringt das, was im Geistlichen ist, ins Physische. Er bringt das Geistliche ins Physische. Mm-hmm. Das ist Glauben. Notre foi, c'est comme un magnet. Et ce magnet là, ça attire, voilà. Ça attire ce qu'on a spirituellement dans le royaume des cieux, dans le naturel. Mais c'est toi qui as donc, non, c'est notre foi. Ça marche seulement à travers notre foi. Mais si on n'a pas la foi, ça va rester là, tu n'es pas capable d'attirer ici. Praise the Lord. Now Galatians 5:25 says we live and walk by Christ. In Galates steht, dass wir leben und wandeln durch Christus. En Galates, il est écrit que on vit et on. In Galates lesen wir, dass wir leben und wandeln in Christus. Galates nous dit qu'on vit et on marche à travers Jésus-Christ. Again, you might be going through one problem or the other, like pain, like headache, like financial problem or whatever problem. You know what religion and natural people call problems. Du hast vielleicht diese physische Problem, was Religion und diese Welt als Problem ansieht. Krankheit, finanzielle Schwierigkeiten, emotionale Probleme, körperliche Probleme. Das sind alles Tatsachen. Aber du hast andere Tatsachen, auf die du dich beruhst. Tu peux avoir des problèmes, que tu dis comme des douleurs, des problèmes n'importe où. Mais ça, ce sont des réalités naturelles. Mais la réalité surnaturelle est que tu as déjà la victoire ici, c'est que tu dois considérer. You have to allow that of the spirit to dominate the physical. Du musst zulassen, dass das vom Geist, das physische, sozusagen übermannt. Tu dois autoriser le spirituel dominer le physique. Praise the Lord. Hallelujah. We stop here, please. Amen. Amen. On Wednesday we will go further. We still have a lot concerning this message. Amen. On va arrêter ici. Amen. Et mercredi, on va continuer. What man and religion call problems? And we are going to know the difference between what man and religion call problem and what Christ call problem. Darüber sprechen, was der Mensch und Religion als Problem ansieht und das, was Christus als das Problem ansieht. Amen. On va voir mercredi, on va voir ce que l'être humain appelle problème et ce que Jésus-Christ appelle problème. We see it through, especially through the life of Peter. Besonders durch das Leben von Petrus. On va voir ça surtout sur à travers la vie de Pierre. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.